tourné, je t'ai souri. Je n'avais pas vu toutes ces filles qui apparaissent dans ta vie et qui défilent. Que des mots, tu n'as que les mots. Je ne me jette pas dans la gueule du loup, mon halo. Toi qui tombes à l'eau, tu aurais dû les oublier toutes. T'étais mon héros, oui, t'étais mon héros. Je vais pas te mentir, c'est dur, mais je bloque ton numéro. T'étais mon héros, oui, t'étais mon héros. Je vais pas te mentir, c'est dur, mais je bloque ton numéro. Tu m'as appelé ma jolie. Je me suis retournée, je t'ai souri. Tu m'en voûtais comme toutes ces filles. Et moi non, je n'ai jamais rien vu venir. Je n'ai jamais